Lorsque les ennemis se furent retirés, le pays devint extrêmement prospère. Je veux dire que mon âme, loin d'être affaiblie par 2 années de guerre, se vit enrichie de toutes sortes de biens. Comme je l'écrivais tout de suite en citant le passage de l'Ecclésiaste, Jésus me récompensa, il parut oublier, ce 12 ami, qu'à lui seul revenaient les honneurs du triomphe. À ce moment je puis dire comme Saint Thérèse que je tenais le monde vaincu sous mes pieds. Mon âme et mon cœur étaient élevés au-dessus des choses de la terre et je sentais en moi une noble assurance. Ah si j'avais été libre, avec quelle promptitude je me serais envolé et caché dans un cloître. Mais mon cher petit père avait besoin de moi, un besoin bien contesté, il est vrai, car je ne pouvais le soulager en rien, il était trop malade même pour jouir ordinairement de mes visites. Cependant je ne laissai pas de les lui faire afin qu'il se vît entouré et aimé, si hélas il pouvait jouir encore de ses douceurs. Me retirer aurait été le condamner à mourir loin de sa famille et j'espérais toujours que le bon Dieu nous le rendrait. Je restais donc dans le monde exposé à de nouvelles séductions, mais fermement convaincu que Jésus m'en réchapperait encore. Je menais une vie sérieuse qui eût été très agréable en compagnie de mon père et de mes sœurs chéries. La matinée était réservée à la peinture. Après la messe matinale je me mettais à l'ouvrage. Je composais des tableaux pour le Carmel et je faisais aussi des études d'après nature. Je convoquais, dans mon atelier, des vieillards et des enfants pour me servir de modèle. Cela me coûtait beaucoup, car en toutes espèces de choses je préfère pouvoir me tirer seul que d'être à charge à d'autres personnes. Toutefois mes modèles étaient très contents de venir poser, parce que je les récompensais largement. Mais les enfants s'endormaient, il fallait que je les distrais ainsi que les vieillards, en leur causant presque tout le temps. Aussi je n'entrepris ce travail d'après nature que pour faire plaisir au bon Dieu et lui prouver ma bonne volonté. Il me semblait, qu'après ces efforts, je pourrais tout espérer de sa libéralité quand plus tard j'aurais besoin de me servir de mon art pour sa gloire. Ma coopération du moment fut donc de faire tout ce qui était en moi sans craindre le labeur. À cette époque j'avais beaucoup désiré avoir un maître qui me guidât dans mes travaux et le bon Dieu permit qu'un artiste de Paris hors concours, membre du jury etc., Monsieur Cru, vint en villégiature en Normandie. Des amis m'ayant mis en rapport avec lui, mon oncle l'invita plusieurs fois et il me donna d'excellentes leçons. Je fis un portrait sous sa direction et plusieurs études. Il était très surpris de mes dispositions et admira beaucoup mes diverses compositions. Plus tard, lorsque je lui demandais des conseils pour mes tableaux, il me répondait invariablement, « Je vous ai déjà dit que pour la composition, personne ne peut vous en remontrer. Quant à l'exécution, il y avait bien quelques fautes, mais mon excellent maître ne me décourageait jamais. Il me promit même de me faire recevoir au salon si j'allais passer quelques mois à Paris en suivant ses cours. Mais d'autres devoirs me retenaient à Lisieux et je refusais encore. En nous expliquant la méthode des études, les concours pour le salon, comme il était très franc et loyal, il nous initiait aux trucs pour être reçus, aux protections qu'il fallait s'assurer. Entre autres choses, il nous dit que, si les concurrents ne faisaient pas partie de telle société, je ne me souviens plus du nom mais je sais qu'il y avait un abonnement à prendre, si donc il n'était point entré dans cette milice, il ne pouvait être reçu quelle que fût la valeur de leurs œuvres. Je ne puis dire combien cette déclaration me dégoûta de tous les honneurs de la terre où la palme n'est point donnée au mérite, mais à l'intrigue ou à l'asservissement, et je ne m'étonnais plus d'avoir vu au salon tant d'œuvres qui, à mon avis, étaient bien médiocres. Je ne jouis pas seulement un été des leçons de mon maître, chaque année, aux vacances, je le revoyais et lui soumettais les travaux faits pendant son absence. Il vint même me voir au Carmel où, lui ayant montré un portrait en buste, d'après la photographie, que je venais d'achever, il me dit qu'il ne valait pas moins de 400 francs, un portrait buste valait alors 300 francs, avec main 500 francs, prix de ma maîtresse de peinture. Ces détails dans l'histoire de mon âme vont vous sembler puérils, ma mère, et cependant ils ont leur importance. En cette rencontre fortuite avec un peintre de renom me parut une bien grande délicatesse de Jésus. Il sembla me dire, « Pour moi, tu avais renoncé à aller à Paris suivre les leçons des grands maîtres, eh bien, c'est l'un d'eux qui vient à toi. C'est moi qui te l'envoie pour te prouver que même les secours humains ne manquent pas à ceux qui ont tout abandonné pour mon amour. J'appréciais beaucoup cette grâce et j'en goûtais les fruits, car la protection d'un maître aussi autorisé me fut un grand secours. Quand il avait dit que quelque chose était bien, il fallait le croire. On n'osa plus critiquer mes œuvres quand le censeur avait passé. Il en résulta pour moi une certaine assurance qui me fit avancer à pas de géant dans mon art. Jusqu'alors la timidité avait paralysé mes forces, ce qui prouve une fois de plus que les encouragements sont souvent nécessaires. Avec la peinture, je cultivais aussi les sciences et la littérature. Je lus des livres de géologie, de zoologie, de physique, de chimie. Je lus aussi Platon et c'est avec plaisir que je me serais livré à l'étude de la philosophie si j'avais quelqu'un pour m'y guider. Chaque soir mon oncle nous lisait quelques belles pièces de nos meilleurs auteurs qu'il choisissait, éliminant à venu soin tous les passages d'une morale douteuse. Ainsi nous fîmes connaissance avec Corneille, Racine, Shakespeare et d'autres encore. À cette époque, j'appris par cœur plus de 40 poésies. Il y en avait pour tous les goûts, les unes étaient tendres, délicates, mélancoliques, gracieuses, les autres étaient grandioses, sévères, sublimes, tandis que d'autres encore étaient des récits patriotiques ou des chants guerriers. Ces derniers étaient les plus nombreux. Bien entendu, personne ne connut jamais mon répertoire. Je murmurais cela à mi-voix quand j'étais seul occupé à un travail qui ne captivait pas l'esprit. Je n'ai pas besoin de dire que toutes ces poésies étaient du meilleur goût et toutes pieuses. Je chantais les héros de mon choix, et, parmi ces héros, Jeanne d'Arc était ma préférée. Les récits chevaleresques avaient depuis longtemps fait mes délices, mais ne me contentant pas de simples histoires, j'avais étudié des livres traitant de la chevalerie elle-même. Ainsi je connaissais le nom de toutes les armes qu'employaient les chevaliers, leurs devoirs, leurs mœurs, aucun détail ne m'avait échappé. Si je m'instruisais ainsi par des lectures intéressantes et historiques, je nourrissais mon âme de la saine doctrine et des exemples de saints. Ma Thérèse chérie se chargeait de m'en pourvoir. Je lisais et méditais d'ordinaire après elle ce dont elle avait fait elle-même l'essai. Je lus les fondements de la vie spirituelle par le Père Surin, les œuvres de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse, du Père d'Argentan, d'Henri Suzeau et bien d'autres, car la piété tenait toujours la plus grande place dans ma vie. Je m'occupais encore de divers travaux. Je fis de la galvanoplastie, de la photographie et toute espèce de choses artistiques. J'aimais beaucoup faire des inventions et comprendre le mécanisme. Ayant une machine à coudre, je la démontais complètement et après avoir nettoyé chaque pièce, je les remis à leur place. À propos de machine à coudre, je m'entendais aussi à la faire marcher et souvent nous nous confectionnions des toilettes, mes cousines et moi. À ma mère, quelle multiplicité de choses! Quand je considère tout cela, j'en ai le vertige. Et pourtant c'est la vérité que mon pauvre esprit s'est appliqué à bien des vanités. J'allais dire malheureusement pour moi, j'ai toujours été d'une très grande adresse et entendu à beaucoup de travaux. Tout enfant, à l'âge où la petite fille n'enfile encore que des perles, je demandais une chiffre et du filet. Au grand ébahissement de tout le monde, je taillais et confectionnais une robe à ma poupée. Robe à la mode comme celle que je voyais aux belles dames. Il est vrai que les points n'avaient un centimètre de long, mais la façon était exécutée d'une manière surprenante. Cette aptitude à toute chose était si évidente, qu'un notaire dit à papa en me désignant, « Vous n'avez pas besoin de la doter, c'est là, elle porte sa fortune avec elle. » Ah, puisse-t-il avoir dit vrai, puisse toutes ces richesses dont ma nature était dotée m'avoir servi à acquérir cette fortune impérissable qu'on appelle la sainteté. Thérèse remerciait le bon Dieu de ne pas lui avoir donné ces dons extérieurs qui attirent les louanges des créatures. « Je regarde cela comme une grâce », écrivait-elle. Jésus voulant mon cœur pour lui seul exaucer déjà ma prière, changeant en amertume la consolation de la terre. J'en avais d'autant plus besoin que je n'aurais pas été insensible au compliment. Mais plus loin elle déclare que jeune encore elle fut prise d'un désir extrême de savoir, ce désir extrême de savoir chez une enfant qui n'avait pas 15 ans ne dénotait. Il passe en germe cette aptitude à toute chose qui s'épanouissait chez moi à l'âge de 20, 25 ans et ne doit, elle pas plutôt remercier le bon Dieu de l'avoir caché à l'ombre du cloître afin qu'elle ne perdît pas son temps en d'inutiles connaissances. Quant à moi, dois-je me faire de la peine d'avoir employé, d'une manière moins lucrative qu'elle, les plus belles années de ma jeunesse? Oh non, étant dans le monde j'y étais par la volonté de Dieu et, dans sa condescendance, il ne me demandait point alors de vivre comme une religieuse. Aussi, suis-je persuadé que je lui ai été agréable en accordant une culture spéciale à l'intelligence. Dès l'instant qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice, il est content de nous. Et moi je suis certaine que même, dans les occupations qui n'avaient pas pour but immédiat l'éternité, je m'y suis toujours livrée dans l'intention d'y trouver quelque beauté qui me rapprocha de mon Créateur. D'ailleurs ce n'était pas difficile tout m'élever à lui, même les choses qui naturellement auraient dû m'en éloigner. Je pense encore que, si Jésus a voulu que je sois exposé aux séductions du savoir, c'était afin de continuer en moi sa mission de préservation en retirant son tison de ce feu non moins dangereux que celui des passions. Plus dangereux même puisqu'il se nomme l'orgueil et la vaine gloire, et que pour ce péché-là c'est à peine s'il y a de la miséricorde. Mais Dieu permit que sur ce point les tentations du démon échouassent complètement sans même me donner à combattre, car il y avait beaucoup moins de prise en moi sur ce terrain-là que sur l'autre. J'ai toujours haï l'orgueil plus que le démon même, et il me faut avouer que je ne le comprends même pas. Je suis hélas orgueilleuse quand on m'accuse injustement, je sens vivement un reproche et j'ai besoin de toute mon énergie pour me taire, ne rencontrant l'humilité du cœur qu'après mes réflexions. Sous ce rapport l'orgueil est donc chez moi le premier mouvement tandis que l'humilité elle n'est que le second. Mais pour l'orgueil qui vient de la vaine gloire je le trouve si stupide, si indigne d'une âme noble et généreuse que je le méprise avec dédain. Je me souviens cependant d'une circonstance où le bon Dieu permit au démon de me tenter sur ce point-là, m'ayant laissé à moi-même, il voulut voir ce que j'allais faire. Je me hâte de dire que, s'il y a eu victoire c'est lui encore qui l'a remportée. Le petit enfant qui porte au malheureux la pièce que son père vient de lui donner fait l'aumône il est vrai, mais le mérite n'en revient-il pas à son père? Il en est toujours de même pour moi qui ai gagné la pièce que je n'ai que le petit mérite de la porter à sa destination. Oh que je sens cette vérité profondément. J'anticipe les événements, car j'étais au Carmel depuis déjà plusieurs années, mais ce trait se rapportant à mon sujet il se classa de lui-même ici, afin d'organiser un laboratoire pour la photo, c'est-à-dire par exemple, j'avais donné la commission de faire exécuter un réservoir et un bassin, comme il fallait à ce dernier une forme toute spéciale à cause de l'emplacement qui lui était destiné, j'avais fait un croquis et une petite légende en face. Ces objets furent parfaitement exécutés, tels que je les avais demandés, je manifestai ma surprise au commissionnaire, que les ouvriers eussent si bien compris, ce n'est pas étonnant, me répondit-il. C'était si bien expliqué qu'un enfant l'aurait saisi tout de suite, les ouvriers en étaient dans l'admiration, ils ont dit, mais cette sœur-là c'est un véritable architecte. À cet instant je ressentis une impression de plaisir très vif, sans toutefois y faire attention. Cependant comme cette impression persistait, elle me peina et je voulus la chasser, à ce moment elle revint avec une violence si grande que je pris peur et, recourant bien vite à la Sainte Vierge, je la suppliai de venir à mon secours. C'est bien sûr une tentation d'orgueil, pensai-je. Ô accent circonflexe ma mère chérie, ayez pitié de moi. Mais la tentation devenait de plus en plus intense, Que faire? Je priais avec ferveur et je n'obtenais rien. À ce moment j'eus une pensée lumineuse, on nous avait donné, pour les étrennes, un petit crayon avec un bout en fer, qui m'avait fait un extrême plaisir. À la récréation une sœur me l'avait emprunté et je savais bien qu'elle oublierait qui le lui avait prêté et ne me le rendrait jamais si je ne le lui redemandais pas, ce que je comptais faire sans tarder. Mais comme je viens de le dire, une pensée lumineuse me traversa l'esprit, je dis au bon Dieu, « Eh bien, je vous donne mon petit crayon si vous m'arrachez à ce feu d'orgueil qui me brûle et je vous promets non seulement de ne pas le réclamer, mais de ne pas le lui prendre si je le trouve à traîner. » Ma mère, c'est au même instant que la tentation disparut pour ne plus revenir. Je tins parole et ne rentrai jamais en possession de mon crayon ce qui, vous n'allez pas le croire, me fut un très gros sacrifice. En le donnant à Jésus, je ferai tout ce qui me coûtait le plus à ce moment-là. Depuis, j'ai fait cette réflexion inspirée par le résultat palpable mis sous mes yeux, qu'il n'y a que la prière unie au sacrifice qui soit véritablement efficace. C'est une remarque à faire. La prière et le sacrifice ce sont les deux plateaux de la balance, balance juste que le bon Dieu est absolument forcé de remplir. Mais cette réflexion m'a mené loin de mon sujet et je ne sais plus trop où le reprendre. Je disais, je crois, que je n'avais jamais eu à combattre sous le rapport de l'orgueil qui naît de la vaine gloire. J'ai pu en y faire profiter en sécurité de la jouissance des biens de l'esprit goûtés dans l'ordre, et je remercie le bon Dieu de m'avoir placé successivement dans des milieux qui m'étaient si sympathiques. Pas plus chez mon oncle qu'au Buissonnet on ne parlait de choses banales. La question toilette était agitée aux saisons et vite résolue, après on ne s'en occupait plus. À table c'était ces messieurs qui avaient la parole et je ne le regrettais pas, car j'étais suspendu à leurs lèvres. Rien ne m'intéressait comme les questions scientifiques ou même politiques. Mais ces dernières me faisaient souffrir parce que j'aurais voulu me lever afin de combattre pour la bonne cause. À ce moment, un nouveau journal se fondait à Lisieux et celui à qui il appartenait ouvrait sa carrière en attaquant l'Église et le pape. En même temps le bon journal allait sombrer, son rédacteur, un fervent catholique, de la société lexovienne, M. Le Maignan, qui s'occupait de cette œuvre depuis de longues années avec un désintéressement digne de sa foi, était malade et ne pouvait plus s'en occuper. Dans cette difficulté pressante, mon oncle me dit un jour, « Peut-être que le bon Dieu serait content si je faisais un article pour défendre le Saint-Père, mais ce serait m'engager dans le journalisme. Si je fais cela je prévois que le journal va me tomber sur les bras. » Nous étions à table, en entendant ces paroles, ma tante si douce et si timide se mit à pleurer. Elle objecta que vu le caractère de l'adversaire il y aurait des propositions de duel à chaque instant et que ce serait une source d'ennui sous tout rapport. Alors je pris la parole, frémissante d'émotion, « Oh mon oncle allez-vous vous arrêter pour si peu? Il n'y aura qu'à refuser les duels et puis tout sera dit, qu'importe que vous deveniez une cible visée par les ennemis, du moment que vous ferez un rempart au Saint-Père et à la bonne cause si je pouvais moi. » Je crois bien que mon oncle fut frappé de ce que je dis alors, et c'est le bon Dieu qui le permit ainsi, car à l'instant toutes ses hésitations cessèrent et il reprit avec assurance, « Eh bien oui, je répondrai, tu as vaincu fille au grand cœur. » Il répondit, en effet, et fit un article d'une éloquence magistrale, le journal lui tomba en effet sur les bras, mais dans de telles mains il reprit une nouvelle vie. Les provocations au duel lui furent adressées, en effet, mais il les méprisa. En un mot tout ce qui avait été prévu arriva, mais sans aucun autre résultat pour lui qu'une couronne d'honneur et pour la religion un puissant appui. Oh je ne saurais dire combien je trouve utile à une cause d'avoir une feuille publique afin de pouvoir parler quand la nécessité l'exige. Quand même cet organe ne ferait que tenir en échec les adversaires ce serait déjà beaucoup pire aussi pour nous donner cette latitude d'élever la voix quand bon nous semble, nul sacrifice ne devrait paraître trop coûteux, pas plus ceux de sa fortune, que ceux de sa propre personne, rien. Il vaudrait mieux se condamner à manger du pain second toute sa vie et se donner le droit de pouvoir crier à l'injustice et au mensonge quand il y a lieu. À propos de ce que je disais tout à l'heure au sujet des jouissances de l'esprit goûtées dans l'ordre, elles sont si grandes et si supérieures à celles des sens qu'il n'y a même pas de comparaison à établir entre elles. Quelquefois je me considère avec une sorte de respect, je me dis, moi je suis un être intelligent et libre, je pense ce que je veux, mon esprit court sur toute chose et veut pénétrer toute chose, j'ai une volonté à moi, tellement indépendante de tout ce qui m'entoure que nul au monde ne peut lui faire violence malgré moi, Dieu même compte avec elle. En réfléchissant à cela je me trouve si grande que j'ai peine à y croire, je me touche et je dis avec enthousiasme, oui, c'est bien vrai que j'existe. Moi, plusieurs lignes biffées. Mais devant ces merveilles comment ne pas reconnaître la suprématie de celui qui est notre origine et notre fin, de celui qui fait connaître à l'homme sa pensée, à mots. 4, 13, et cependant, combien hélas s'éloignent de leurs principes divins pour s'avidir et choisir de plein gré le rang des êtres les plus abjects. Je ne puis dire combien cette pensée me fait de peine. Ces jours-ci, j'ai eu quelques minutes entre les mains, un catalogue de mode. À la vue de toutes ces têtes frivoles mon cœur s'est serré. Sans doute ce ne sont que des images, mais il ne faut pas cependant se faire illusion. Les dessinateurs reproduisent toujours les types et les allures des personnages de leur époque. Si leur coup de crayon donne ses poses, ces figures efféminées, c'est qu'ils les voient sous leurs yeux. Que c'est triste. J'ai remarqué entre autres, une personne qui, après avoir fait tourner sa traîne jusque devant elle par un certain mouvement, la regardait avec complaisance comme si elle était hypnotisée par ce splendide horizon. Le bel épagneul, Tom, qu'on avait au Buissonnet faisait cela souvent. Oh ma mère et dire que ce sont des créatures si grandes et si parfaites, des créatures qui ont devant elles l'éternité qu'ils s'amusent ainsi. Que la vanité est donc laide et répugnante puisqu'il faut aller en chercher le modèle non point en Dieu mais chez les animaux. Ceci me rappelle, qu'à la campagne, nous avions une belle jument qui sous le poids des années, avait conservé les grâces de sa jeunesse quand il y avait honneur à les montrer. Car aussitôt qu'elle allait au champ conduisant modestement une charrette de foin, elle baissait la tête presque jusqu'à terre, tandis qu'à la Victoria elle prenait des allures fringantes, se redressait faisant le coup de cygne, en un mot, on reconnaissait tout de suite le beau cheval d'attelage d'autrefois. Elle avait donc conscience qu'il fallait faire la belle. Je ne saurais dire combien cette étude sur l'instinct des animaux relatif à la vanité, me fut profitable en me faisant mépriser un sentiment aussi bas et aussi servile, puisqu'il fait dépendre notre satisfaction non des joies goûtées en Dieu, ou en nous-mêmes par la culture de l'esprit, mais dans les autres par le désir de paraître. À côté de cette vie sérieuse et intéressante que je menais chez mon oncle se place deux voyages qui se rattachent à cette époque. L'un avait pour but Lourdes, l'autre Paray-le-Monial. Le premier des deux voyages nous fit visiter les principales villes de France, car nous étions allés en touriste et, comme les rois mages, partis par un chemin nous revînmes par un autre. Cette excursion, très agréable d'un côté, avait un point noir, c'était de se trouver à Lourdes sans pèlerinage, mais le bon Dieu y pourvu car nous rencontrâmes à la grotte un pèlerinage vendéen. Aussi eûmes-nous la joie de nous y unir et ma cousine Marie eut ainsi l'occasion de faire entendre sa jolie voix à la Sainte Vierge. Je me souviens qu'à la procession au flambeau beaucoup de personnes se retournaient pour voir quel était ce rossignol aux vibrations si pures. Après avoir fait nos dévotions dans ce lieu unique au monde, nous fîmes des excursions dans les montagnes et passâmes en Espagne. Notre voyage fut pieux, charmant et instructif, mais ce qui me laissa un souvenir durable ce fut une visite au sanctuaire de la Sainte face à Tours et une visite à la grotte de Massabielle. Plus tard, je fis aussi le pèlerinage de Paray-le-Monial, j'étais accompagné de Léonie ou plutôt ce fut moi qui l'accompagnais, car c'était pour lui être agréable que je me mis de nouveau en route. J'avais assez et trop même des voyages de la terre, afin de prouver à Jésus que je l'aimais et que le lieu où il avait manifesté son cœur, symbole de l'amour qu'il me porte, m'était cher entre tout. Je ne voulus pas suivre d'autres pèlerins qui prenaient le chemin d'art. Et cependant j'aurais aimé faire une visite dans ce lieu béni. Je dis cela, ma mère, pour vous prouver combien je tenais à donner au Sacré-Cœur de Jésus une preuve de mon attachement puisque cette preuve entraînait avec elle un sacrifice. Et cependant si vous me demandez ce que j'ai pensé à l'oratoire de Tours, à la grotte de Lourdes, au sanctuaire de Paris, je répondrai que j'y ai plus souffert que je et j'ai compris cette parole de l'imitation. Qu'il en est peu qui se sanctifie par de nombreux pèlerinages. C'est en vain que j'y cherchais Jésus, que j'y cherchais Marie. J'essayais de me pénétrer de la pensée que mon Jésus avait apparu à telle place, que ma mère avait occupé telle autre, qu'enfin que j'aime tant était venu là pour rendre visite à notre humanité et lui dévoiler de divins secrets. Mon esprit s'arrêtait tout court et mon cœur s'écriait comme autrefois les disciples cherchant à connaître Jésus. Maître, où logez-vous? Où êtes-vous? Où puis-je vous trouver? Ô accent circonflexe, mon bien-aimé! Ce n'est pas par le sentiment que je veux vous rencontrer, mais en réalité, je veux vous saisir et vous emporter partout où j'irai. Comme Madeleine, le lieu où vous avez été mis ne suffit pas à ma tendresse, je pleure en le regardant car ce lieu béni ne possède plus mon trésor. Où vous êtes-vous caché, mon bien-aimé, en me laissant dans les gémissements? Vous avez fui comme le cerf, après m'avoir blessé, je suis sorti après vous en criant et vous étiez déjà parti, Saint Jean de la Croix. Tels sont, ma mère, les sentiments qui jaillissent malgré moi de mon cœur, quand je visite sur la terre les lieux sanctifiés par Jésus ou par ma mère du ciel. Mais dans ces angoisses de l'amour, la profonde parole de l'imitation vient toujours me consoler. L'homme pieux porte avec lui partout Jésus. Qu'ai-je donc à désirer ici-bas après une telle assurance que je sens réaliser en moi? Oui, je sens Jésus vivant en moi et je l'emporte partout avec moi. Que la malice des hommes arrive à nous priver de nos tabernacles, à nous enlever l'Eucharistie, tant que j'aurai en moi un souffle. Jésus résidera dans le sanctuaire de mon cœur et je ne verrai cesser cette mystérieuse présence que pour le posséder dans la claire vision de l'éternité. Oh, voilà le pèlerinage des pèlerinages, visiter Jésus en nous-mêmes par la vie intérieure et l'union à Dieu. C'est là qu'il loge. Il répondait autrefois aux disciples qui l'interrogeaient sur le lieu de sa résidence, « Venez et voyez. » Oui, pour voir il faut aller d'abord, c'est notre coopération à l'appel divin, elle suppose un effort, mais quelle récompense de voir le lieu où notre bien-aimé habite et d'y entrer avec lui. Oh combien après cette sublime trouvaille le cœur, enfin satisfait, s'écrie avec joie, « Pour moi être uni à Dieu c'est mon bonheur. Avec toi, Jésus, je ne désire rien sur la terre. » Psaume 73, 25, 26. Il est bien vrai que je ne désirais sur la terre que l'aimable volonté de mon Jésus. Souvent, à bien souvent mon cœur se reportait vers le Père chéri qui vivait exilé loin de nous. La blessure était toujours vive de ce côté-là, mais c'était sans amertume. J'étais tellement livré au bon Dieu que je n'aurais pas su vouloir quelque chose qu'il n'aurait pas voulu et c'était patiemment que j'attendais, de sa tendresse, la grâce d'entourer moi-même les derniers jours de mon Père. Que m'eût-il manqué dans la vie que je viens de dépeindre si j'avais eu les jouissances du cœur? Mais cela n'était plus fait pour moi. Le rosier avait été coupé et les fleurs étaient dispersées. Oh que j'ai souffert d'être privé de puiser ma sève au rameau paternel. Sacrifier cette joie-là pour moi c'était immoler ce que j'avais de plus cher. Il est vrai que mes bons parents faisaient tout leur possible pour m'adoucir cette épreuve, mais il ne peut se faire qu'il n'arrive à quelquefois de petites peines et je suis certaine que le bon Dieu le permettait ainsi pour mon plus grand bien. Un jour ma cousine Jeanne étant venue avec son mari, mon oncle voulut la taquiner et lui dit, « Qui donc ton Francis et reviens chez moi? Tu n'y paieras pas pension, toi. Aussitôt ce fut un glaive qui me transperça. Moi je payais pension, car je n'étais pas chez moi. Mais où étais-je donc? Où était mon foyer? Moi je n'avais donc pas de famille. Ah si j'en avais une autrefois, autrefois moi aussi, j'avais été l'enfant de la maison, mais le bon Dieu avait laissé la tempête se déchaîner et le chef vénéré était loin des siens et cet intérieur délicieux, dont j'étais l'un des heureux membres avait été dévasté. Tous ces souvenirs se pressaient en foule dans mon cœur et, rentré dans ma petite chambre, je donnais libre cours à mes larmes. Il ne faudrait pas croire, ma mère, par ce que je vous ai dit sur le plaisir intellectuel goûté dans l'étude, que mon esprit était exclusivement captivé. Cela aurait été bien malheureux surtout si le proverbe eût été véridique quand il dit ce qu'on acquiert du côté de l'esprit on le perd du côté du cœur car à choisir entre les deux biens, j'aurais préféré les jouissances de l'amour. Mais comme l'amour augmente d'après la connaissance de l'objet aimé je m'appliquais à l'étude pour mieux connaître le bon Dieu puisqu'il se révèle dans ses œuvres. J'en ai fait tellement l'expérience que je me demande comment les savants peuvent ignorer Dieu, c'est un problème que je ne puis résoudre. À mon égard, le but était donc atteint et je menais une vie intérieure très intense. Le Carmel était tout pour moi. Chaque semaine j'allais m'y retremper auprès de ma Thérèse. Léonie se mettait d'un côté de la grille et moi de l'autre. Elle voyait l'une des deux aînées ou les deux ensemble et moi je causais dans un petit coin avec Thérèse. Jamais cela ne variait. Il n'y avait qu'à la fin du parloir qu'on faisait une conversation générale. Je ne me rassasiais pas de recevoir les conseils de ma sœur chérie, je la consultais pour tout. Je m'arrangeais aussi de façon à recevoir des lettres d'elle, voici comment je m'y prenais. À cause des circonstances si spéciales dans lesquelles je me trouvais il y avait quelques passe-droits, ainsi elle me souhaitait mes fêtes et mes anniversaires. Alors, afin d'obtenir qu'elle m'écrivît je me gardais bien d'aller au parloir aux environs de ces jours-là, et quand j'avais ma lettre, j'allais aussitôt remercier de vive voix ma Thérèse chérie. C'est pour cette raison que presque toutes les lettres qu'elle m'adresse sont ou pour le 28 avril mon anniversaire, ou pour le 21 octobre fête de Saint-Céline. Grâce à ce stratagème je possède maintenant des trésors. Oh ma mère quelle union d'âme il y avait entre nous là je retrouvais la famille, et mon cœur se réchauffait à ce contact, c'étaient les oiseaux d'un même nid, on y parlait du cher absent, c'étaient les mêmes intérêts qui nous occupaient, les mêmes joies et les peines qui faisaient battre nos cœurs. Quand je considère cette institution divine qu'on appelle la famille je pense que les législateurs modernes auront beau faire ils ne l'aboliront pas. Les nations et les peuples pourront se fusionner, peut-être, en poursuivant ce but, les sans-patries servent-ils malgré eux les desseins du Très-Haut. Car nous ignorons ce qui doit arriver dans les derniers temps du monde et le mode de législation que Dieu prépare avant la catastrophe finale ou celle que se prépare la malice humaine. Mais la famille, ce lien sacré subsistera jusqu'à la fin des temps. Plus que cela, comme l'a chanté Thérèse, nous retrouverons le toit paternel au ciel. Je ne saurais dire combien cette pensée est réconfortante pour moi et combien elle m'aide à affronter l'exil. Ma visite au Carmel et celle que je faisais à mon cher petit père partageaient donc ma semaine. Je me souviens encore des pensées profondes qui remplissaient mon cœur pendant ces voyages à Caen. La vitesse avec laquelle je parcourais les belles campagnes me rappelait la rapidité de la vie, les couchers de soleil dorant l'horizon, festonnant les nuages parlaient doucement à mon âme. Il me semble qu'à la clarté de ces merveilles je voyais la vérité sur toute chose, les vicissitudes de notre pèlerinage ici. Bahama paraissait sous leur véritable jour et pour mériter les délices éternels nulle épreuve sur la terre ne me semblait trop grande. Plusieurs fois, souvent même, voulant prouver à Jésus mon amour et ne sachant quel témoignage lui donner je m'offris à lui pour faire de moi ce qui lui plairait, je lui dis que j'accepterais tout de sa main, même, à même la privation de ma raison s'il daignait me la demander, la seule grâce que je sollicitais était de ne jamais l'offenser, après cette offrande de moi-même, mon amour pour Jésus trouvait un peu de soulagement, car il me semblait ne pouvoir aller plus loin dans ma donation, j'avais atteint les dernières limites. Pendant ce temps, le bon Dieu s'apprêtait à faire déborder sur nous les flots de sa tendresse, et le 10 mai 1892 il nous rendait notre Père chéri, plusieurs lignes biffées. Ma joie fut grande de pouvoir soigner moi-même mon Père bien-aimé. La paralysie étant devenue générale, il ne pouvait plus se mouvoir qu'avec une extrême difficulté, aidé par un bras vigoureux, les jambes surtout lui refusaient tout service. Sa plaie de la tête était, cette fois, complètement guérie, il n'en restait plus que la trace. Quant au moral, c'était maintenant une douce enfance, si douce et si aimable qu'elle avait tous les charmes du jeune âge ni à ceux des cheveux blancs. Je ne me lassais pas d'embrasser mon papa chéri, je lui témoignais mon affection de mille manières et ne savais quoi inventer pour lui être agréable. Il s'intéressait à tout ce qui se passait autour de lui, sans toutefois y prendre part, car il ne parlait presque jamais, cependant on voyait bien qu'il comprenait. Il aimait surtout à entendre ma cousine Marie jouer au piano et restait de longues heures à l'écouter, principalement lorsqu'elle exécutait des mélodies. On reconnaissait là son âme profonde et son esprit méditatif d'autrefois. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Les Yeux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.